بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 2 dans l'explication du livre نقد القومية العربية du Cheikh Abdel Aziz ibn Baz رحمه الله, c'est-à-dire la critique de l'arabisme ou bien du nationalisme arabe. Mais comme on l'a expliqué dans le cours précédent, yani, c'est pas spécifique seulement au nationalisme arabe, mais ça, yani, concerne toutes les différentes formes de nationalisme et de tribalisme et de fanatisme pour un élément ou une question autre que l'islam et autre que la foi. Lorsque des gens utilisent la langue ou la nationalité ou la couleur ou l'ethnie ou la tribu ou yani, peu importe quel autre élément qui yani, parmi les éléments qui fait partie des caractéristiques des êtres humains, mais qui est placé au-dessus de l'islam pour utiliser ça justement comme une source de division entre les musulmans, alors dans ce cas-là, ça devient quelque chose de blâmable. Mais sinon, yani, le fait d'appartenir à un peuple, ou le fait d'appartenir à une tribu, ou le fait d'appartenir à une ethnie, ou le fait de parler une langue, c'est pas quelque chose qui est blâmable en soi. C'est pas quelque chose qui est blâmable en soi. Le problème, c'est lorsque les gens utilisent ça pour s'élever au-dessus des autres, ou bien pour se distinguer des autres musulmans, et pour faire de la division entre les croyants. Là, ça devient quelque chose de blâmable. D'accord? Donc, le cheikh, au dernier cours, il expliquait que yani, certains d'entre les gens qui ont, justement, parmi les musulmans, ont cherché un moyen dans le but d'opposer les colonisateurs à l'époque, ou les ennemis des musulmans, parmi ceux qui avaient yani, envahi des pays musulmans ou colonisé des pays musulmans, ils ont essayé d'utiliser comme moyen pour se réunir autour ils ont essayé d'utiliser comme moyen pour s'opposer à ces envahisseurs l'idéologie ou le principe, disons, du nationalisme, dans le but de se réunir autour de cette idée-là pour, soi-disant, être capable de se mettre ensemble pour lutter contre l'ennemi. Et le cheikh, il a dit à la fin en expliquant que ceux qui appellent à ces idéologies-là, certains d'entre eux se basent sur la notion de la nation, d'autres sur la question de l'origine, d'autres sur la question de la langue, d'autres sur la question de la terre, d'autres sur le lien qui les rattache avec leurs espoirs et leurs douleurs communes, ou d'autres explications semblables qu'ils ont données par rapport à leur définition du nationalisme. Et ils n'ont pas fait de la religion le fondement autour duquel ils se réunissent. Et certains même d'entre eux, comme le cheikh l'a expliqué, ils ont même mis la religion de côté parce qu'ils disent, peu importe notre religion, toutes les religions sont égales, hein, toutes les religions sont respectées, soi-disant, y compris l'islam. Et l'islam est une religion parmi d'autres. L'important, c'est la nation. L'important, c'est le nationalisme, c'est l'ethnie ou c'est la langue. La religion, c'est un détail insignifiant pour eux. Hein, ils mettent ça parmi les questions qui sont relatives aux différentes idées, aux différents goûts, aux différentes tendances. Ça n'a pas rapport avec ce qui nous unit réellement selon les nationalistes. Et ça, c'est très dangereux. Mais le cheikh, il dit juste pour l'argument, hein, dans le but de rentrer avec eux dans l'argument et de débattre dans le sens de yani du raisonnement, et pour essayer d'aller dans le sens de qu'est-ce qu'ils disent, il leur a dit, si c'était vraiment dans le but de vous réunir, dans le but de yani avoir le dessus sur votre ennemi, eh bien, si vous vous étiez attaché à l'islam et que vous auriez utilisé l'islam pour vous réunir et pour collaborer entre vous dans le but de défendre justement les terres de l'islam et de défendre votre religion et de protéger les musulmans contre les ruses de vos ennemis, eh bien, il y aurait ici un intérêt commun entre tous les musulmans et ce serait beaucoup plus fort et ça aurait un effet beaucoup plus grand que ce que vous pouvez obtenir en appelant à ce que vous appelez le nationalisme. Hein? Puisque la nation, c'est quelque chose qui est limité, tandis que l'islam, c'est quelque chose qui est universel, c'est quelque chose qui touche à tous les peuples, sans distinction de langue ou de race ou de couleur. Donc, on est tous unis dans la foi et dans la religion. Donc, ça, c'est le vrai principe autour duquel on est supposé de s'unir. Et le cheikh, il expliquait, il dit, n'importe quelle personne qui a un minimum de raison, hein, il va comprendre que ce qui unit réellement les gens, c'est qu'est-ce qui est dans le cœur à la base. Et ça comprend bien entendu la foi, hein, d'avoir la foi en la véracité et l'authenticité de notre objectif et de notre but, hein, et d'avoir la conviction que notre conclusion va être bonne, hein. Et également de savoir qu'il y a quelque chose qui nous attend dans l'au-delà, hein? Une promesse de vie éternelle, comme c'est le cas dans l'islam. Et ça amène les gens à collaborer, à s'entraider entre eux d'une manière beaucoup plus forte, hein? Puisque c'est basé sur une révélation qui vient du ciel, une révélation divine, contrairement à ce que les êtres humains ont inventé parmi les idéologies nationalistes et que ce soit aussi par exemple les idées qui sont reliées à ça, parce que avec le nationalisme vient la démocratie, vient la laïcité, vient également le communisme, vient le socialisme et vient toutes sortes d'autres idéologies qui ne viennent pas de la foi ou de la révélation, mais qui viennent de ce que les êtres humains ont inventé eux-mêmes, et qui n'est pas basé sur aucune foi, hein, aucune foi réelle, qui n'est basée sur aucune réalité de la révélation divine. Et donc, tu ne peux pas savoir, hein, tu ne peux pas avoir une conviction sur ces voies inventées par l'homme, tu ne peux pas avoir une conviction en la conclusion, que ce soit ni dans la vie d'ici-bas, ni dans l'au-delà. Tu ne peux pas être certain de ta conclusion, de ta fin. Hein, puisque la plupart de ces idéologies-là ne sont basées que sur des aspects mondaines qui sont reliés uniquement au sort de l'être humain dans ce bas monde et qui ne va pas plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ils ne vivent que pour la dunya et pour qu'est-ce qui est de l'au-delà, ça ne leur... Hein, ça ne les touche pas ou ça ne les intéresse pas, ou bien ils ne cherchent pas à trouver la vérité à ce sujet-là. D'accord? Donc ça veut dire que yani, c'est des gens matérialistes en réalité, qui ne pensent qu'à ce bas monde. Sinon, à quoi ça sert, hein, d'établir des principes, d'établir des pays basés sur des nations et des idées de nationalisme qui n'ont pas une foi commune, et qui ne sont pas basés sur une religion qui les réunit. Et ça veut dire qu'ils ne croient pas tous en la même chose, chacun croit en ce qu'il veut. Et certains d'entre eux considèrent que ce que les autres ont comme foi est fausse. Hein? Ils ont une foi, ils considèrent que les autres croient en ce qui est faux, et que leur religion est fausse, et que ce qu'ils adorent est faux. Et ce qu'ils ont comme... conviction par rapport à qu'est-ce qui est dans l'au-delà, ils considèrent aussi que c'est faux. Et les autres croient la même chose par rapport aux autres individus qui composent cette société-là. Donc, ça veut dire qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont tous divisés, même si, en apparence, ils peuvent donner l'impression d'être réunis autour de cette idée de nation. Donc, cette cette union, hein, elle est en réalité une union qui est futile, une union qui est illusoire, une union qui n'est pas réelle. Hein, et c'est pour cette raison-là que c'est, tu vois, dans ces endroits-là ou dans ces pays-là qui se basent justement sur ces idées de nation, hein, eh bien, il y a tout le temps un combat ou une lutte contre ceux qui prétendent vouloir, qui sont en train, par exemple, ou qui ils craignent tout le temps que quelqu'un essaie de les diviser ou de les séparer ou de se séparer d'eux. Et ça aussi, ça fait partie des paradoxes de ces idéologies-là. Parce que dans certains pays, il y a des individus qui demandent l'indépendance et qui veulent se séparer des autres au nom du nationalisme, tandis que dans d'autres pays qui sont basés sur ces idéologies-là aussi, ils combattent toute forme de séparatisme, hein, justement au nom de cette même idéologie-là. Donc c'est encouragé, la division est encouragée, et la séparation est encouragée dans certains pays, tandis que dans d'autres pays, elle est interdite, au nom de la même idéologie. Donc tout ça pour dire, Yanni, le cheikh, il mentionne, il dit, si ces gens-là étaient vraiment sincères et qu'ils voulaient vraiment la victoire, ils se seraient accrochés à ce qui a été révélé de la part d'Allah et à la religion d'Allah. Et Yanni, ils seraient revenus à qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de suivre. Mais plutôt, au lieu de ça, ils ont préféré se réunir autour d'une collaboration ou d'une entraide basée sur une idéologie qui est établie sur la jahiliya et sur les traditions et les coutumes et yani souvent le kufr et l'ignorance. Et donc aucune révélation est basée là-dessus, hein? C'est-à-dire c'est basé sur aucune révélation et il n'y a aucune garantie de victoire dans qu'est-ce qu'ils prônent, même si ils peuvent obtenir une certaine victoire à un moment donné avec cette idéologie-là, mais c'est certain que dans l'au-delà, ils n'ont aucune victoire, et ça, c'est une certitude. Toutefois, il faut comprendre une chose aussi, c'est que ces idéologies-là n'existaient même pas, ni chez les juifs, ni chez les chrétiens, ou à la limite, peut-être chez les juifs, après que ces juifs-là, par exemple, ont été, par exemple, divisés ou écrasés par d'autres peuples. C'est à ce moment-là qu'ils ont été chassés de leur terre et éparpillés un peu partout sur terre et ils sont devenus des petits groupes dans différents pays, en Égypte, en Grèce, en Perse, à Rome et un peu partout comme ça et en Europe par la suite. Et donc c'est là que, yani, ils se sont propagés et éparpillés parmi les chrétiens. Mais en Europe, à l'origine, il n'y avait pas ce qu'on appelle le nationalisme. Hein? Il y avait les grands empires, les Romains, les Grecs et les autres, ces différentes nations. Et ces différents peuples, en réalité, ils étaient unis autour de l'empereur. Après, il y a eu les royaumes en Europe. Et les gens étaient réunis autour de leur souverain, autour de leur roi. Et ce n'était pas basé réellement sur un lien ethnique ou sur une nation, une idée de nation ou d'origine, mais plutôt basé sur une allégeance à un roi, hein, et faire partie d'un royaume. Et la même chose dans les pays musulmans. Hein, les musulmans étaient reliés autour de leurs dirigeants. Et ils se réunissaient autour de leurs dirigeants, peu importe leur origine, peu importe leur couleur, peu importe leur langue. Et si le dirigeant était dans une région, il donnait l'allégeance à ce dirigeant-là, et c'est ainsi que le pays était composé de différents groupes. Et ça ne causait jamais de problème, puisque tout le monde était sur la même croyance. Hein? Et en Europe, les rois, il y avait des rois et c'était des chrétiens. Et tous les chrétiens qui voulaient faire partie de leur royaume, ils rentraient, ils pouvaient faire partie du royaume, peu importe leur origine. Et la même chose dans les pays musulmans. Le nationalisme tel qu'il existe aujourd'hui, il est apparu très tard en réalité, et c'est après, il y a allé justement le 20e siècle, c'est là qu'on a vu apparaître ces idéologies-là, et ça a amené beaucoup de racisme et de discrimination et d'injustice. Donc tout ça, c'est juste, il y en a quelques exemples, mais comment le nationalisme a été utilisé et comment il s'est infiltré dans les pays musulmans, justement, on voit tout ce qui a été fait justement pour l'introduire et comment ça a été utilisé pour diviser les musulmans les uns contre les autres. Les Arabes contre les Turcs contre les Arabes contre les Noirs africains, les Africains contre les Noirs. Les Noirs contre les Arabes, et ainsi de suite, les Indiens contre les... Et les différents peuples de musulmans se sont retrouvés ennemis les uns des autres, alors que ils devaient tous être unis autour de leur religion et être des frères. Donc c'est ça qui a été le résultat de ces idéologies-là. Mais on va voir encore plus de détails de ça et plus d'exemples de ça dans les explications que le cheikh Ibn Baz il va donner maintenant. Donc le cheikh il dit: «Hada kulluhu ala sabil al-tanazzul li du'at al-qawmiyya wal-raghbatu fi idahi al-haqa'iq li talib al-haq wa illa faman khabari ahwal al-qawmiyyin wa illa faman khabara ahwal al-qawmiyyin wa tadabbara maqalatihim وأخلاقهم وأعمالهم عرف أن غرض الكثيرين منهم من الدعوة إلى القومية أمور أخرى يعرفها من له أدنى بصيرة بالواقع وأحوال المجتمع، ومن تلك الأمور فصل الدين عن الدولة وإقصاء أحكام الإسلام عن المجتمع والاعتياض عنها بقوانين وضعية ملفقة من قوانين شتى، وإطلاق الحرية للنزاعات الجنسية والمذاهب الهدامة، لا بلغهم الله مناهم أو مناهم، ولا ريب أن دعوة تفضي إلى هذه الغايات يرقص لها الاستعمار طربا، ويساعد لها وجودها ورفع مستواها، وإن تظاهر بخلاف ذلك تغريرا للعرب عن دينهم وتشجيعا لهم على الاشتغال بقوميتهم والدعوة إليها والإعراض عن دينهم. ومن زعم من دعاة القومية أن الدين من عناصرها فقد فرض أخطاء على القوميين، وقال عليهم ما لم يقولوا، لأن الدين يخالف أسسهم التي بنوا القومية عليها، ويخالف صريح كلامهم، ويباين ما يقصدونه من تكتيل العرب على اختلاف أديانهم تحت راية القومية. ولهذا تجد من يجعل الدين من عناصر القومية يتناقض في كلامه، فيثبته تارة وينفيه أخرى، وما ذلك إلا أنه لم يقله عن عقيدة وإيمان، وإنما قاله مجاملة لأهل الإسلام أو عن جهل بحقيقة القومية وهدفها. وهكذا قول من قال إنها تخدم الإسلام أو تسانده، وكل ذلك بعيد عن الحقيقة والواقع، وإنما الحقيقة أنها تنافس الإسلام وتحاربه في عقر داره، وتطلي ببعض خصائصه ترويحا لها وتلبيسا أو جهلا وتقليدا. Donc on va expliquer jusqu'ici. Le cheikh, il explique maintenant, il dit, tout ce qu'on a dit jusqu'à date par rapport à hein, ce que prêchent les nationalistes. C'était uniquement dans le but de d'argumenter avec eux et de descendre sur leur terrain, hein, pour y argumenter dans ce sens. Mais si on regarde la réalité des choses, hein, et pour celui qui désire connaître la réalité et qui cherche la vérité, eh bien, il va constater que la réalité de la situation des nationalistes, lorsqu'on médite sur leurs propos et leurs paroles et leurs comportements et leurs actions, hein, on voit que les objectifs et les intérêts de beaucoup d'entre eux, parmi ceux qui appellent, hein, lorsqu'ils appellent au nationalisme, c'est d'autres choses. C'est d'autres choses. Et toute personne qui a un minimum de compréhension de la réalité et de la situation des sociétés, il va comprendre cela facilement. Et parmi les exemples de ça, ce qu'on retrouve dans les idées de la plupart des nationalistes, que ce soit dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans, et c'est de séparer la religion de l'État. Hein? Et en autre mot, on appelle ça le sécularisme ou bien la laïcité. Hein? De séparer la religion et l'État. Et de dire que l'État n'a rien à voir avec la religion et la religion n'a rien à voir avec l'État. Or, dans l'islam, on sait très bien que ça, c'est pas comme ça. Et que dans l'islam, il n'y a pas cette séparation-là entre la religion et l'État. Hein? Puisque dans l'islam, il y a les règles religieuses qui gèrent et qui déterminent et qui organise tous les différents aspects de la vie humaine, que ce soit les aspects politiques, les aspects économiques, les aspects sociaux, militaires, les aspects juridiques, et tous les autres domaines de la vie sont gérés et organisés par les règles de l'islam. Donc, de séparer la religion de l'État, comme ils disent, ou de la vie, ça équivaut justement à éliminer l'islam complètement, ou bien à essayer de corrompre l'islam ou de détruire l'islam ou de retirer l'islam de la vie des gens. Et également, le cheikh, il dit « wa iqsa wa ahkam al-islam al-mujtama », c'est-à-dire d'exclure les règles de l'islam de la société. C'est-à-dire qu'ils veulent établir des sociétés nationalistes dans lesquelles les règles de la religion ne sont pas celles qui contrôlent ou qui gèrent la société ou les règles sociales, hein? Que ce soit les règles qui ont rapport avec les relations entre les musulmans dans la société, les règles de mariage, les règles de divorce, les règles des relations entre les hommes et les femmes, les règles de comportement, les règles de l'habillement, les règles de la yani de divertissement et des règles de tout ce qui a rapport avec les différents aspects par rapport à qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. Hein? Donc toutes ces choses-là, ils veulent faire en sorte que la religion ne soit pas celle qui dicte les règles sur ces sujets-là. De même que ils veulent que la société soit basée sur des lois qui sont fabriqués par les êtres humains et non pas des lois qui sont faites par qui sont ou plutôt des lois qui sont révélées par Allah Azza wa Jal dans le Coran ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils veulent que les gens se réfèrent à des différents droits, hein, de différents pays. Les droits de tel pays, ils utilisent telle loi de tel pays. Hein? Le droit de tel pays, ils l'utilisent pour tel aspect de la vie. Donc, pour l'économie, on va se baser sur le droit de la France. Et pour telle chose, on va utiliser le droit de la loi britannique. Et pour telle autre chose, on va utiliser le droit de la Suisse. Et ainsi de suite. Donc, il mélange les différentes lois des différents pays pour essayer de se faire un droit, hein, pour les musulmans ou pour leur pays, les gens de leur nation, soi-disant. Et tout ça, c'est bien entendu basé sur le fait de la laïcité ou de vouloir rejeter ou de refuser de juger selon les lois religieuses. Également, le cheikh dit wa itlaq al hurriyat lin naza'at al jinsiyya wal madhahib al haddama. C'est-à-dire, ils veulent en même temps aussi utiliser le nationalisme comme un prétexte pour ouvrir toutes les libertés sexuelles dans la société. C'est-à-dire, il y a ni la mixité entre les hommes et les femmes, le fait que les femmes ne soient pas séparées des hommes, qu'elles se voilent pas, hein, quand elles sortent à l'extérieur, et il y a ni tout ce qui vient avec ça, comme corruption et comme désordre. De même qu'ils veulent également donner la liberté à ceux qui veulent appeler à des systèmes ou à des idéologies de destruction qui sont contraires à l'islam et qui sont contraires à la foi, comme le communisme, hein, le marxisme, le socialisme et des mouvements anarchistes ou des mouvements de gauche ou de droite, ou peu importe, toutes ces différentes idéologies-là que les koufars ont inventées, ils veulent que on leur donne la liberté de les prêcher, ces idées-là, dans les pays musulmans. Donc le cheikh, il dit que Allah ne leur fasse pas atteindre leur objectif. Après, il dit, il n'y a pas de doute que, yani, s'il y a un appel à une idéologie comme celle-là, qui appelle à ces objectifs-là, hein, et à ces buts-là, que si il y a quelqu'un qui appelle à ces choses-là dans les pays musulmans, les colonisateurs, hein, les colons, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs de l'Europe qui ont colonisé les pays musulmans, ils vont se réjouir de ça, même si en apparence ils essaient de montrer que ils sont pas contents, hein, quand ils disent ah, tel pays, il appelle au nationalisme et ils veulent leur indépendance pour se libérer de leurs colonisateurs et ils veulent nationaliser leurs ressources et ainsi de suite. Les colonisateurs montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça et qu'ils ne sont pas satisfaits et qu'ils ne veulent pas s'en aller. Mais en réalité, ils sont très contents de voir que dans ces pays-là, ceux qui sont en train d'appeler à prendre le pouvoir ou ceux qui sont en train d'appeler à reprendre le contrôle de leur pays sont des gens qui ont cette idéologie-là. Hein? C'est ça qu'ils souhaitent. Et même s'ils montrent en apparence qu'ils sont contre, eh bien, d'une certaine façon, ils vont les aider à prendre la place et à élever, hein, leur position pour tromper les Arabes au sujet de leur religion et les non-Arabes aussi, parmi les musulmans et les différents peuples musulmans sur Terre qui ne sont pas arabes. La même chose, ils utilisent les mêmes techniques partout. Et c'est dans le but de les encourager à être distraits et à s'occuper de leur nationalisme et de leur nationalité et d'appeler à ces choses-là pour les détourner de leur religion. Et du moment qu'ils les détournent de leur religion, alors c'est ça l'important pour eux. Et il dit, et quiconque pense que ceux qui appellent au nationalisme considèrent que la religion fait partie de ses références, alors en réalité il est dans l'erreur. Hein? Et il dit à propos des nationalistes ce que les nationalistes n'ont pas dit eux-mêmes. Parce que si on regarde comme il faut la réalité, on voit que la religion, elle contredit leur fondement sur lequel ils ont bâti leur nationalisme. Et c'est en contradiction totale également avec ce que les nationalistes eux-mêmes disent et ce qu'ils ont comme objectif en voulant réunir tous les Arabes ensemble ou tous les gens d'une ethnie ensemble, et à ni peu importe leur religion. et de dire qu'on soit arabe chrétien, qu'on soit arabe juif, qu'on soit arabe musulman, qu'on soit arabe athée. Hein? Ça, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on est arabe. Donc, unissons-nous tous. Et certains d'entre les nationalistes à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on n'entend plus cette da'wa aussi forte, mais ça existait très fort au début du 20e siècle, dans les pays arabes. Mais ils disaient, l'arabe, hein, non musulman, est meilleur que le non-arabe musulman. C'était ça leur da'wa. Donc ils étaient en train d'opposer, de contredire clairement al-wala wal-bara. Hein? Parce que beaucoup de gens étaient dans l'ignorance. Beaucoup de gens étaient éloignés des enseignements de la religion. Et c'est pour cette raison-là que beaucoup d'entre eux ont été trompés par ce genre de slogan et par ces genres de discours. Allah al-musta'an. Et donc, le cheikh, il dit, c'est pour ça que tu vois que ceux qui prétendent que les nationalistes ont comme référence ou comme fondement dans leurs idéologies nationalistes, ils prennent la religion comme référence, eh bien, ils se contredisent dans leurs propos. Parce que des fois, ils l'affirment et des fois, ils le nient. Hein? Il dit, et la raison de ça, c'est parce que la seule raison pour laquelle ils prononcent ou ils parlent de religion, c'est non pas pour défendre leurs croyances réelles. Hein? C'est pas parce qu'ils y croient eux-mêmes ou parce qu'ils ont une aqida ou une foi, mais c'est uniquement pour faire plaisir aux musulmans et aux gens qui s'attachent à l'islam. Hein? Et pour leur faire croire que yani, ils s'intéressent à l'islam. Ou bien, il dit, c'est à cause de l'ignorance de la réalité yani, du nationalisme et de ses objectifs. Et donc, c'est ainsi que beaucoup d'entre eux, ils disent par exemple que le nationalisme, ça sert l'islam, ça travaille pour aider l'islam ou pour supporter l'islam. Et le cheikh dit tout ça, c'était loin de la réalité. Tout ça, c'est loin de la réalité. Parce que la seule réalité, la chose qu'on constate dans les faits, c'est qu'elle s'oppose à l'islam, elle veut compétitionner avec l'islam et elle veut même faire la guerre à l'islam dans sa maison. Et yani, donc c'est ça. Et elle veut essayer d'éliminer certaines de ses particularités en utilisant toutes sortes de ruses et en propageant l'ignorance et en appelant à toutes sortes de formes de coutumes et de traditions qui opposent l'islam. Le cheikh il dit ensuite, وَلَوْ كَانَتِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْقَوْمِيَةِ يُرَادُ مِنْهَا نَصْرُ الْإِسْلَامِ وَحِمَايَةِ شَعَائِرِهِ لَكَرَّسَ الْقَوْمِيُّونَ جُهْدَهُمْ فِي الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ وَمُنَاصَرَتِهِ وَتَحْكِيمِ دُسْتُورِهِ النَّازِلُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَلَبَادَرُوا إِلَى التَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يَدْعُو إِلَيْهِ وَابْتَعَدُوا عَنْ كُلِّ مَا يُخَالِفُهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الْأَصِيلُ والهدف الأعظم ولأنه السبيل الذي سار عليه واستقام عليه ووصل إلى شاطئ السلامة وفاز بالجنة والكرامة ومن حاد عن سبيله باء بالخيبة والندامة وخسر الدنيا والآخرة فلو كان دعاة القومية يقصدون بدعوتهم إليها تعظيم الإسلام وخدمته ورفع شأنه لما اقتصروا على الدعوة للخادم دون المخدوم وكسروا لهذا الخادم جهودهم وغضبوا من صوت دعاة الإسلام إذا دعوا إليه وحذروا مما يخالفه أو يقف حجرا في طريقه لو كان دعاة القومية يريدون بدعوتهم إعلاء كلمة الإسلام واجتماع العرب عليه لنصحوا العرب ودعوهم إلى التمسك بتعاليم الإسلام وتنفيذ أحكامه ولشجعوهم على نصره ودعوة الناس إليه فإن العرب أولى الناس بأن ينصروا الإسلام ويحموه من مكائد الأعداء ويحكموه فيما شجر بينهم كما فعل أسلافهم، لأنه عزهم وذكرهم ومجدهم، كما قال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نعم. دونك ici يعني le cheikh à l'époque il mentionne des exemples par rapport à ceux qui appellent à un nationalisme arabe, un panarabisme comme on dit, d'accord. Sauf que la même chose aussi, on la constate en ce qui concerne les différents peuples musulmans, les différents pays arabes individuellement. On voit que certains d'entre les gens dans les pays musulmans, ils utilisent cette même technique aussi pour, parfois, s'écarter de certains principes de l'islam ou rejeter certains aspects ou certains principes de l'islam en disant, nous, dans notre pays, l'islam c'est ceci et l'islam c'est pas cela. Et par exemple, ils vont dire, nous, dans notre pays, l'islam c'est pas comme par exemple dans tel autre pays où eux, ils font ceci ou ils font cela. Comme si la référence pour les musulmans, c'est pas le Coran et la Sunna pour déterminer ce qui fait partie de l'islam ou ce qui n'en fait pas partie, et de revenir à la voie des salaf al-salih pour comprendre l'islam comme il faut, mais plutôt de regarder tel ou tel pays et comment dans tel pays les gens ont telle ou telle coutume ou comment ils pratiquent l'islam dans telle région ou dans telle région. Et de dire que par exemple, mais nous, chez nous, dans notre pays musulman, dans notre société, on pratique telle chose, parce que ça a toujours été comme ça, soi-disant. Alors que cette pratique, c'est une bid'ah. Elle ne fait pas partie de l'islam. C'est quelque chose qui a été rajouté dans la religion de l'islam et n'en fait pas partie. Et eux, ils s'y attachent et ils disent, chez nous, pour nous, dans notre islam, dans notre pays, c'est comme ça. Et parfois aussi, ils l'utilisent dans le but de rejeter quelque chose qui fait partie de la sunna ou qui fait partie du Coran, mais que, étant donné qu'ils l'ont abandonné ou qu'ils l'ont oublié ou qu'ils l'ont délaissé, eh bien, ils vont utiliser cette jahiliya, cette forme de taqlid, pour essayer de justifier le rejet de cet aspect de l'islam que eux ils n'ont pas mis en pratique. Donc ils vont dire, nous dans notre pays, les femmes, elles font pas ça de telle façon, elles s'habillent pas de telle façon, elles se voilent pas de telle façon, et les hommes, ils s'habillent pas de telle façon, ils font pas telle chose. Alors que ces choses-là sont des choses qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna et qui font partie de l'islam. Alors la référence, c'est pas qu'est-ce que la coutume, ou qu'est-ce que les gens font, ou la tradition, ou qu'est-ce que les gens font dans tel ou tel pays. La référence, c'est le Coran et la Sunna, et c'est la charia. Et il y en a d'autres aussi qui utilisent l'excuse du madhab pour essayer de justifier, et puis ils veulent nationaliser le madhab. C'est-à-dire, ils veulent faire du madhab, des écoles de fiqh, ils veulent en faire une excuse nationaliste pour se distinguer des autres musulmans. Comme si les imams auxquels ces madhabs étaient attribués, eux avaient eu l'intention de faire ce genre de distinction-là entre les musulmans, alors que ça n'a jamais existé chez les imams de l'islam. Que ce soit l'imam Abu Hanifa, ou Malik, ou Shafi'i, ou Ahmad, rahimahumullah, aucun d'entre eux n'a dit que mon madhab il doit être appliqué dans tel pays, et tel pays, il doit être sur mon madhab à moi. Et dans mon madhab, c'est comme ça, et les autres madhabs sont, c'est autre chose, mais chacun suit son madhab. Jamais, les imams n'ont jamais parlé de cette façon-là. Au contraire, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Ahmad, l'imam Abu Hanifa, ils ont toujours dit: إذا صح الحديث فهو مذهبي. Mon madhhab, c'est le hadith sahih. Si le hadith il est sahih, c'est mon madhhab. Et quand il y a des divergences, ils ont adopté la méthodologie des salafs. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et au messager. C'est-à-dire de retourner, lors de la divergence, à la preuve. Et c'est ça qui est important. Tout ça pour dire, yani, d'utiliser, on a vu dans certains pays, ils ont dit, nous on écoute seulement les ulama de notre région ou de notre pays. Et si un savant de notre pays donne une fatwa, on ne l'écoute pas. Alors que ce que le savant de l'autre pays a dit, c'est basé sur le Coran et la Sunna, et c'est basé sur la connaissance de l'islam et la compréhension des salafs. Alors que peut-être que les savants de ce pays-là ont, disons, ignoré cet aspect de l'islam, ou ils ont mal compris cette question-là. Et on sait surtout que dans certains pays, certains des soi-disant ulama qui sont dans ces pays-là, parfois ils ont absorber certaines bid'ahs ou certaines sectes. Ils font partie des groupes ou des tendances de soufia, ou des asha'ira, ou d'autres groupes de bid'ahs, des khawarij, ou autres. Et donc, d'utiliser le nationalisme comme prétexte derrière ça pour essayer de défendre une soi-disant interprétation de l'islam, alors que cette compréhension ou cette interprétation n'est pas fondée, alors ça devient un autre exemple de batil, un autre exemple de mensonge et de talbis. Wal'iyadu billah. Et donc, c'est pour ça, le cheikh, il explique ensuite, il dit, si l'appel au nationalisme était vraiment dans le but de défendre l'islam et de défendre ses principes, eh bien, les nationalistes auraient mis leurs efforts dans le fait d'appeler à l'islam et de défendre l'islam et de juger selon la loi qui a été révélée au-dessus des sept cieux dans le Coran et dans la Sunna, et ils se seraient dépêchés d'implémenter le comportement de l'islam et d'adopter ce comportement-là dans leur vie et de mettre en pratique ce qu'ils appellent, ce à quoi ils appellent, et ils se seraient éloignés également de tout ce qui vient en contradiction avec cet islam et avec la religion d'Allah, parce que c'est le fondement et c'est l'objectif le plus grand, et c'est la voie du salut pour celui qui le suit, et c'est le paradis éternel pour celui qui réussit à le suivre jusqu'à la mort, tandis que celui qui s'en écarte et qui suit un autre chemin, eh bien, il est voué à la perdition et le remords. Et il perd le bas-monde, et il perd sa vie du bas-monde et de l'au-delà. Donc si les prêcheurs ou les gens qui invitent ou qui appellent et qui font la promotion du nationalisme avaient vraiment comme objectif dans leurs appels de respecter l'islam et de servir l'islam, ils auraient soulevé la cause de l'islam. Il ne se serait pas limité juste à l'utiliser comme ça, comme certains qui utilisent l'islam juste pour que l'islam soit à leur service. Et ils n'auraient pas été non plus opposés et en colère contre les gens qui appellent réellement à l'islam. Et ils n'auraient pas mis en garde contre eux ceux qui appellent à l'islam pour essayer de mettre des embûches sur leur chemin. Si les gens qui appellent au nationalisme voulaient vraiment élever la parole de l'islam et unir les Arabes autour de l'islam, ils auraient été sincères envers les Arabes et envers les autres musulmans. Ils les auraient appelés à s'accrocher aux enseignements de la religion de l'islam et à mettre en pratique et à exécuter ses règles et ses principes. Il les aurait encouragés à défendre cette religion et appeler leur peuple à s'y accrocher et à le suivre. Et il dit, et les Arabes sont les premiers qui devraient, en principe, défendre l'islam. Parce que c'est à eux que le Coran a été révélé en premier. Et leur prophète est venu parmi eux et ils parlaient cette langue. Donc ils avaient la première, en premier de tous les, parmi tous les musulmans, c'est eux qui avaient en premier la responsabilité de défendre cette religion contre ses ennemis et de le défendre, hein, et de juger selon ce qui a été révélé dans cette religion comme loi et comme règle, dans tous les désaccords et les disputes qui peuvent se présenter entre eux, de les ramener ces divergences et ces désaccords au Coran et à la Sunna dans le but de trancher pour trouver la vérité, comme faisaient nos prédécesseurs. Parce que l'islam, parce que la religion de l'islam et la révélation du Coran, c'est là que se tient en réalité notre fierté et notre rappel et notre majesté, notre honneur. Et Allah Azzawajal, il le mentionne dans le Coran. Dans Sourate Al-Anbiya, le verset 10, nous avons fait descendre sur vous un livre dans lequel il y a votre rappel. N'allez-vous pas réfléchir? Et le verset 43 et 44 dans Sourate Az-Zukhruf, lorsque Allah Azzawajal dit ce qui signifie, alors accroche-toi à ce que nous avons révélé, hein, sur toi. Tu es certes sur un droit chemin, et ceci est certes un rappel pour toi et pour ton peuple. Et vous allez être questionnés. Hein? Vous allez être questionnés là-dessus. Et le cheikh, il dit ensuite, وَإِذَا عَرَفْتَ أَيُّهَا الْقَارِئْ مَا تَقَدَّمْ فَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَةَ يعني الدَّعْوَةُ إِلَى الْقَوْمِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ أَحْدَثَهَا الغربيون من النصارى لمحاربة الإسلام والقضاء عليه في داره بزخرف من القول وأنواع من الخيال وأساليب من الخداع فاعتنقها كثير من العرب من أعداء الإسلام واغتر بها كثير من الأغمار ومن قلدهم من الجهال وفرح بذلك أرباب الإلحاد وخصوم الإسلام في كل مكان ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها من القوميات دعوة باطلة وخطأ عظيم ومنكر ظاهر وجاهلية وكيد سافر للإسلام وأهله. Donc le cheikh dit, si tu sais, ô toi le lecteur, ce qui a précédé, eh bien, sache maintenant que l'appel, hein, cet appel du nationalisme ou au nationalisme arabe, ça a été inventé par les Occidentaux, parmi les chrétiens et autres, également les juifs, pour combattre l'islam et pour essayer d'enrayer l'islam des sociétés musulmanes, avec des paroles enjolivées, hein, et toutes sortes d'illusions et toutes sortes de méthodes, des méthodes de ruse. Et donc, beaucoup d'Arabes ont accepté ces idées-là de la part des ennemis de l'islam. Ils ont été trompés. Beaucoup d'entre eux ont été trompés et ont suivi comme des ignorants. Hein? Et la plupart qui ont suivi, justement, sont parmi les ignorants. Ou par des gens qui ont des intérêts, ou qui avaient des intérêts, ou qui souhaitaient yani, obtenir quelque chose de la dunya. Nasallallahu al-afiyah. Et donc, ils ont été trompés, et ils se sont réjouis, hein, ceux parmi eux qui étaient à la tête de l'athéisme, hein, et du rejet de la foi, hein. Et les opposants de l'islam, dans tous les différents endroits, ils se sont réjouis de ce genre d'idéologie nationaliste. Et on connaît dans ce qui est nécessaire, hein, ce qui est connu de la religion de l'islam par nécessité, que le fait d'appeler au nationalisme arabe, ou que ce soit n'importe quelle autre forme de nationalisme, c'est pas seulement le nationalisme, ça peut être l'afrocentrisme, ça peut être yani, les autres formes de nationalisme qui existent, c'est pas seulement le nationalisme arabe le problème, c'est le nationalisme turc, le nationalisme indien, le nationalisme africain, le nationalisme asiatique, n'importe quelle forme de nationalisme, depuis que c'est établi dans le but d'opposer la foi et d'opposer l'islam, eh bien c'est clair que c'est, comme le cheikh il dit, un appel qui est fausse, une grande erreur, un mal apparent et une forme d'ignorance, de jahiliya, et une ruse dévoilée et apparente contre l'islam et les musulmans. Hein? Parce que si tu vas aller dans un pays, par exemple, qu'est-ce qu'on dit maintenant par rapport aux Ouïghours? Les gens, ils parlent beaucoup des Ouïghours. Ils disent quoi? Hein? En Chine, ils disent, bon, les musulmans de Chine, vous êtes des Chinois, donc vous devez respecter les coutumes et les traditions chinoises et rentrer dans le moule nationaliste chinois. Hein? Donc si c'est, par exemple, le nationalisme chinois qui est basé sur le communisme et l'athéisme et le kofr, donc on comprend que le fait de vouloir faire partie de cette identité-là, si tu veux t'attacher à l'islam, ça devient un problème. Hein? Ça devient un problème. Et quand tu es en France, et on te dit, ah ben là, vous êtes des républicains, vous êtes des Français musulmans, vous devez rentrer dans le moule républicain, et vous devrez cacher votre religion, et pas montrer que vous appartenez à l'islam, parce que hein, ça fait pas partie de la nationalité française d'être musulman. Et donc, tu vois, par exemple, que les nationalistes en France, ils sont tous d'accord avec ça. Hein? Et les nationalistes dans d'autres pays, c'est la même chose. Ils utilisent toujours le nationalisme pour opposer la religion et pour opposer la foi, et en particulier opposer l'islam. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et dans certains pays arabes, c'est la même chose. Hein? Et donc, nous, on est arabes, il faut s'unir autour de l'identité. Et en même temps, si tu veux être musulman, t'accrocher au Coran et à la Sunna, ils vont dire non, ça c'est de l'extrémisme, ça c'est de l'exagération, il faut pas faire ça, hein. Et ils vont utiliser des exemples pour dire non, vous devez, les femmes elles doivent être libérées, elles doivent pas se voiler, hein. Et on a vu combien d'exemples de ça dans certains pays arabes où on a appelé la femme à se mélanger avec les hommes et enlever le hijab, et yani, dans certains pays même, les gens étaient éloignés de la religion d'une certaine façon, hein, et gardés dans l'ignorance, parce qu'on n'a pas donné la liberté aux savants de l'islam de clarifier aux gens, à leur population, la réalité de l'islam. Donc ça a créé des générations de musulmans qui ont été privé de savoir religieux. Et à cause de l'ignorance dans laquelle cette génération-là est grandie, les enfants de cette génération-là, eux, sont nés dans l'ignorance totale. Et lorsqu'ils ont redécouvert l'islam par la suite, de la part de certains groupes, comme les frères musulmans ou d'autres tendances, eh bien, ils sont tombés dans l'extrémisme religieux. Hein, parce que ceux qui leur ont fait redécouvrir l'islam, leur ont fait redécouvrir, mais d'une façon qui est déformée. Et ça, c'est qui a ramené ce qu'on connaît aujourd'hui, comme les différentes formes de hizbiya et de bid'a, et ainsi de suite. Donc le cheikh, il explique, il dit qu'on va montrer maintenant comment le nationalisme est une forme de ruse, et quelque chose qui est en opposition totale avec l'islam, et on va l'expliquer en se basant sur plusieurs points. Et le premier point que le cheikh il va mentionner, c'est le point qui est relié à yani, la division des musulmans. Donc, on va peut-être commencer juste le premier point, commencer à l'expliquer, même si on ne peut pas le compléter maintenant, mais on va en mentionner un peu pour avoir une idée de ce à quoi le cheikh il essaie d'expliquer ici dans ce point-là. Al-awwal anna ad-da'wata ila al-qawmiyyah al-arabiyyah تفرق بين المسلمين وتفصل بين العجمي عن وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسهم لأنهم كلهم ليسوا يرتضونها وإنما يرضاها منهم قوم دون قوم وكل فكرة تقسم المسلمين وتجعلهم أحزابا فكرة باطلة تخالف مقاصد الإسلام وما يرمي إليه وذلك لأنه يدعو إلى الاجتماع والوئام والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى كما يدل على ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وقال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فانظر أيها المؤمن الراغب في الحق كيف يحارب الإسلام التفرق والاختلاف ويدعو إلى الاجتماع والوئام والتمسك بحبل الحق والوفاة عليه تعلم بذلك أن هدف القومية غير هدف الإسلام وأن مقاصدها تخالف مقاصد الإسلام ويدل على ذلك أيضا أن هذه الفكرة يعني الدعوة إلى القومية العربية وردت إلينا من أعدائنا الغربيين وكادوا بها المسلمين ويقصدون من ورائها فصل بعضهم عن بعض وتحطيم كيانهم وتفريق شملهم على قاعدتهم المشؤومة فرق تسد وكم نالوا من الإسلام وأهله بهذه القاعدة النحيسة مما يحزن القلوب ويدمي العيون. Donc ici le cheikh il explique que le premier raison ou le premier point de vue qui montre la fausseté de cette idéologie du nationalisme, c'est que elle divise les musulmans. Elle divise pas seulement les musulmans en réalité, elle divise l'humanité au complet. Mais elle divise les musulmans parce que les hommes sont ordonnés par Allah de s'unir sur la foi. Et c'est sur la chose sur laquelle ils devraient tous s'unir. Et donc, on voit que le nationalisme, le cheikh, il dit, il divise entre le musulman non arabe et son frère arabe. Parce qu'en islam, il n'y a pas de différence. Si tu es un musulman, que tu sois arabe ou non, que tu sois arabe ou que tu sois non arabe, tu es mon frère, tu es un musulman, tu es un frère. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois une, de telle ethnie ou une autre, on est des frères parce qu'on est des croyants. Et donc, le nationalisme, il vient diviser entre les Arabes musulmans et les non-Arabes, entre les Arabes musulmans et les Arabes, entre les musulmans arabes et les musulmans non-arabes. Et elle vient diviser aussi entre les Arabes eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas tous d'accord avec le nationalisme. Ceux qui sont d'accord, c'est seulement un groupe parmi eux. Donc toute idéologie qui vient diviser entre les musulmans, toute idéologie qui vient faire des musulmans des groupes et les diviser en parties et en fractions, alors c'est une idéologie qui est fausse et qui contredit les objectifs de l'islam, hein, et ce à quoi l'islam amène. Puisque l'islam appelle à l'unité et à se réunir sur la vérité et à s'en joindre les uns les autres, la vérité, et à s'entraider les uns les autres dans la bonté et dans la piété. Comme cela est expliqué dans plusieurs versets dans le Coran. Et entre autres, le cheikh il a cité les versets 102 et 103 dans Surat Al-Imran, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah comme il mérite qu'on se préserve de lui. Et ne mourrez qu'en étant musulmans. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah ensemble. Et ne vous divisez pas. Et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis et qu'il a réuni entre vos cœurs et que vous êtes devenus par sa grâce des frères. Et que vous étiez au bord d'un gouffre de feu et il vous en a sauvés. C'est ainsi que Allah vous clarifie ses signes pour que vous puissiez être guidés. Et il mentionne dans les versets 62 et 63 dans Sourate Al-Anfal, ce qui signifie « Et c'est lui qui t'a aidé par son support et par les croyants, et il a réuni entre vos cœurs. Si tu avais dépensé tout ce qu'il y a sur terre pour unir leurs cœurs, tu n'aurais pas réussi à les réunir. » Mais c'est Allah qui les a réunis. C'est Allah qui a réuni entre leurs cœurs. Certes, il est puissant et sage. Et il mentionne également les versets 31 et 32 dans Sourate Ar-Rum, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie « Revenez vers lui repentant et préservez-vous de lui et établissez la salat. » Et ne soyez pas du nombre des mouchriquins, parmi ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, chaque groupe se réjouissant de ce qu'ils détiennent. Alors le cheikh, il dit, alors ô toi le croyant, regarde, si tu désires vraiment la vérité, regarde comment l'islam a combattu la division et la divergence, et comment l'islam a appelé à être unis et à s'unir, et à s'accrocher au câble de la vérité et de mourir sur la vérité. Et lorsque tu vois ça, et que tu comprends ça, eh bien tu comprends tout de suite que les objectifs du nationalisme ne sont pas les mêmes que les objectifs de l'islam. Et que les objectifs du nationalisme sont en contradiction totale avec les objectifs de l'islam. Et c'est ce qui est la preuve, et c'est ce qui est indiqué également sur le fait que cette idéologie du nationalisme arabe, ça nous est venu de la part de nos ennemis. Toutes ces idéologies-là aujourd'hui qui divisent les musulmans et qui ont retardé les musulmans et affaibli les musulmans, ça vient des koufars. Ils nous ont laissé ces choses-là comme des cadeaux empoisonnés. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on reste accrochés à ces choses-là et on ne réalise pas que c'est la cause de notre faiblesse. On pense que, en s'y accrochant, parce que j'entends des Arabes et des musulmans, arabes et non arabes, qui disent, nos pays ils ne vont pas bien parce qu'il n'y a pas de démocratie. Comment tu peux entendre, comment tu peux croire que des musulmans qui ont connu l'islam et qui comprennent l'islam disent une parole pareille? C'est impossible. Si un musulman a compris sa religion, il comprend le Coran, il comprend la sunna, il comprend le tawhid, il comprend la sunna, et il sait que ce que ça signifie, la ilaha illallah, il ne va jamais dire une parole comme ça. Hein? Nos pays ne sont pas bien parce qu'on n'applique pas la démocratie? Non! Au contraire, nos pays ne vont pas bien parce qu'on n'applique pas l'islam, pas parce qu'on n'applique pas la démocratie. Hein? Parce qu'on a négligé des aspects de l'islam, parce qu'on a mis de côté certains des principes de l'islam, à cause de ça, nos pays ne vont pas bien. À cause de ça, on ne va pas bien. À cause de ça, on est humilié, parce qu'on n'est pas revenu à Allah, on n'a pas appliqué la religion d'Allah. Mais celui qui est là, qui dit, comme on entendait ce slogan-là pendant les printemps, soi-disant printemps arabes, que certains qui disaient, on n'a pas de démocratie, on veut la démocratie, on veut de la liberté, on n'a pas de liberté. Celui qui peut prononcer ce genre de propos, c'est quelqu'un qui n'a... Son cerveau, il a été complètement sali, corrompu. Hein? On lui a complètement bousillé sa tête et son cœur, au point où il ne comprend même plus la réalité des choses. Il ne comprend même plus la réalité de qu'est-ce que c'est être un musulman. Hein? Et il pense qu'il a besoin du coffre pour arranger son pays. Et il pense que c'est en suivant l'exemple des koufars, parce qu'il voit qu'est-ce qui se passe chez les koufars en Occident ou en Europe, en Amérique, il voit comment les gens vivent. Et puis il s'imagine que les gens qui sont ici, ils vivent comme ça parce qu'ils appliquent la démocratie. Et que donc, si dans les pays musulmans, on applique, soi-disant, cette démocratie, on va avoir cette situation-là et qu'on va vivre avec un certain confort matériel, hein, avec cette apparence de bien-être. Alors que tout ça, c'est de l'illusion en réalité, mais la plupart des gens, ils ne réalisent pas. Donc, le cheikh, il dit, ça nous vient de nos ennemis, ces idéologies-là. Et ils ont rusé contre les musulmans pour leur faire croire à ces principes-là et à ces idéologies-là. Et ils pensent, derrière cela, hein, pouvoir séparer entre eux, hein, se séparer les uns des autres. Et... C'est ça leur objectif, c'est-à-dire de diviser les musulmans les uns des autres et de les séparer, hein, de détruire leur union. Et leur slogan, qui est bien connu, hein, diviser pour régner. En anglais, on dit divide and conquer. En arabe, farriq tasud. Farriq tasud. Divise et tu vas avoir le pouvoir. Pourquoi? Parce que quand les gens sont unis, quand ton ennemi il est uni, c'est très difficile de l'affronter parce qu'il a une force. Mais s'il est divisé, ça devient très facile de le battre parce que en plus de se battre contre son ennemi, il doit se battre avec lui-même en même temps. Ça, c'est une bonne ruse, une ruse diabolique, mais c'est cette ruse qu'ils emploient dans le monde entier, et c'est comme ça qu'ils réussissent à diviser les gens. Avant de rentrer dans les pays musulmans et de faire la colonisation, hein, ils envoyaient des missionnaires dans les pays, et les missionnaires faisaient des analyses et des études des différentes sociétés et des différents pays. Et ils écrivaient chaque détail, les différentes sectes, les différentes bid'ahs, les différentes pratiques, hein, les différentes ethnies, et comment ils se traitent les uns les autres, comment ils sont les uns par rapport aux autres, les injustices qui existent, hein, toutes les failles de la société, ils les ont étudiées. Et après, ils ont renvoyé ça, hein, à leur responsable. Et ils ont commencé à planifier, à tel peuple, ah, eux, ils ont cette secte, ils ont cette division, ils ont ce groupe, hein, ici et ça, on va exploiter ces choses-là pour pouvoir les diviser. Et vraiment, franchement, ça a été orchestré, hein, d'une façon vraiment incroyable. On dit comment on va utiliser, on va mettre telle tribu contre telle tribu, tel peuple contre celui-là, les Arabes, on va les mettre contre les Turcs contre les Arabes, les Kabyles contre les Arabes contre les Kabyles, hein, les Chuleh contre les... Comme ça, les Noirs africains contre ceux-là, hein, les Indiens contre les musulmans de l'Inde et les musulmans de tel autre pays. Hein, on va tous les mettre les uns contre les autres facilement, comme ça on va être capable de prendre le pouvoir puis de les écraser tous. Et après, quand ils vont vouloir se révolter, on va leur dire, réunissez-vous sur le nationalisme, éloignez l'islam. Comme ça, hein, yani, ils sont sur la voie que nous, on souhaite. On va être capable de les égarer de l'islam par la suite plus facilement et de les éloigner de leur religion. Après, on va les contrôler économiquement, politiquement et sur tous les autres plans. Donc, c'est vraiment grave tout ça. Et le cheikh, il dit, c'est triste. Hein? C'est quelque chose qui attriste les cœurs et qui fait pleurer les yeux. Mais c'est la réalité. Donc, c'est quelque chose qui doit amener les musulmans à ouvrir les yeux et à comprendre la ruse qui a été manigancée et comment faire pour justement faire en sorte que on se sorte de ce piège pour revenir à notre religion. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.